Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par l'association Les Monts de l'Utopie. Cette émission du mois de novembre a été exceptionnellement enregistrée à Rochesson. Un grand merci à Muriel d'ailleurs pour le prêt de son matériel et la technique. Comme vous le savez, les événements culturels de l'association sont à l'arrêt jusqu'à ce que le roi décide de nous redonner vie. N'empêche que nous continuerons de vous apporter du soleil et des sonorités venues d'ailleurs grâce à cette belle émission. Au programme d'aujourd'hui, sonorité syrienne, Maloya, rap fusion et flamenco. Avec Camille, Flo, Mounir et moi-même. Salut bonsoir les amis. Salut bonsoir à tous. Je vous demande comment ça va ou je vous demande pas? Bon, ça va, ça peut aller, on fait aller, disons. Ouais, on fait aller. Ouais, bon, ça va. Hein. On sort pas de la montagne, donc tout va bien. Comme j'ai pu dire un petit mot, les événements de l'asso sont à l'arrêt. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une petite chose? Flo, Camille, Mounir? Eh ben, comme toute la culture en France, je dirais, maintenant que la culture est passée derrière tout et que c'est plus un métier, en fait, c'est un peu la mort des lieux culturels, la mort de tout, de tout le milieu de la culture, de la convivialité. Donc, comme tu l'as dit, quand le roi aura décidé que ça pourra reprendre, ça reprendra peut-être en 2021, peut-être en 2022. On n'en sait rien, on attend, on est impatient de pouvoir faire quelque chose. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à ça. Heureusement ouais. Quand même qu'il nous reste cette belle émission pour proposer du soleil. Hein. Voilà. C'est moi, tout ce qui nous reste. Je suis quand même contente de vous retrouver là, les amis. Eh bien, Camille, c'est moi qui commence. Comme je l'ai dit, excuse-moi, au programme d'aujourd'hui, des découvertes musicales. Donc Camille, ce sera les sonorités syriennes. Après, ce sera Flo avec le Maloya. Et peut-être, si nous avons le temps, un de ses coups de cœur. Nous passerons ensuite à Mounir avec le rap fusion. Et nous terminerons avec moi-même, avec le flamenco. Voilà, avec la découverte du flamenco. Camille, c'est parti. C'est parti. Ok, alors donc quand Nanou nous a dit qu'il fallait travailler sur donc de la musique d'un pays ou un style ou quelque chose, j'ai pris mon planisphère, j'ai balancé une pièce dessus et c'est tombé sur la Syrie. Donc, je me suis renseignée sur la musique traditionnelle. Camille, c'est sur les Syries vosgiennes ou la Syrie La blague de Mounir n'est pas encore arrivée. Elle a piqué la blague à Mounir, dis donc. Et donc ce sont les musiques de Syrie, le pays, hein, n'est-ce pas, en Moyen-Orient. Et donc alors, moi je me suis un peu renseignée, et contre toute attente, alors moi je ne m'attendais pas du tout à ça, mais figurez-vous que donc, dans les musiques syriennes, il y a une longue histoire, parce que du coup c'est un carrefour culturel qui abritait des chants chrétiens, juifs, et également musulmans. Alors, à savoir que les plus anciens chants chrétiens viennent de Syrie. Voilà, bon. Ça, si vous ne le saviez pas, moi non plus. Et donc, on a aussi, donc, dans la musique syrienne, il y a ces musiques un peu religieuses, comme ça. On a aussi donc, de la musique arabe. Donc, Alep, ça a longtemps été un centre de musique arabo-andalou. Alors, il y avait le style moucha-cha, alors je ne sais pas si je le dis très bien, sûrement pas d'ailleurs, mais voilà. Et donc, il y avait une grande culture de derviches tourneurs, des cafés dansants, tout ça, dans ce milieu de musique arabe. Et il y a également aussi de la musique folklorique. Alors, il y avait de la musique bédouine, ils appelaient ça l'ataba, c'était des chants populaires du désert. Donc, c'était des poésies que les hommes chantaient et ils improvisaient là-dessus. Donc ça dure longtemps. Donc j'ai essayé d'en trouver, mais il n'y en avait pas qui duraient que 4 minutes. Donc je vous l'ai épargné. Et donc après, j'ai fait un petit bilan des instrus qu'on trouvait dans les ensembles classiques. Donc il y a le comanche, il y a le naï, le oud, le kanoun, le tambour, le daf, le nakara. Alors tout ça, il y a beaucoup d'instruments qui ressemblent à des luths. Il y a aussi beaucoup de tambours, d'instruments à cordes, quelques instruments à vent, des flûtes aussi surtout. Et après, il y a d'autres instruments comme le bouzouk, la derbouka, le kavoul, le zaz ou le zourna qui sont plus des instruments populaires. Voilà. Alors, bon, là-dessus, j'ai essayé de chercher un peu des musiques traditionnelles. Alors vraiment, dans le traditionnel, c'est assez particulier, assez rébarbatif. Donc j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu plus moderne, disons, avec le premier artiste qui s'appelle Bachar Zarkan. Alors, j'ai pas trouvé énormément de détails sur sa vie à lui, mais en tout cas, c'est un artiste qui crée des musiques d'inspiration soufie et de la poésie. En fait, il dépouille des textes soufites de la sacralité pour en dévoiler l'humanité. Et donc, cet homme-là, il a joué de 1993 à 2008, un peu en international comme ça. Et donc, voilà, bah, je vais vous laisser découvrir, je vais arrêter de discuter, et je vais vous laisser découvrir donc Bachar Zarkan avec une chanson qui s'appelle Anei Kanjar. Voilà. Ma fil jubbati ahadu. دفن الناس أسماء الناس ويفنى الوسواس الخناس وسواس الخناس يبقى لوابا في الجبة وجه الغيب الصمد ما في الجبة أحد دفن الناس أسماء الناس ويفنى الوسواس الخناس وسواس الخناس يبقى لوابا في الجبة وجه الغيب الصمد كيف رأيت الموت كبشا أملح يصبح لكني حين دنوت لم أرى موتا وسماء ترتعد وأنا الباطل ميراثي حجر مقدود بالدم ومشهوق حتى الله وروحي بدد كانت تمسح أعضائي ومرايا تتقد مكتظا كنت بغيري ووحيدا مكسورا صمتي ملتاثا بسواي أغني ريحي عالية وعزيز منفرد وأنا حسبي أني ولدتني كل نساء إفراد الواحد له حسب العاشق تلويح المعشوق دلالا وأنا حسبي أني ولدتني كل نساء الأرض وأن امرأتي لا تلد حسب الواجد إفراد الواحد له حسب العاشق تلويح المعشوق دلالا وأنا حسبي أني ولدتني كل نساء الأرض وأن امرأتي لا تلد حسب الواجد إفراد الواحد له حسب العاشق تلويح المعشوق دلالا وأنا حسبي أني ولدتني كل نساء الأرض وأن امرأتي لا تلد حسب الواجد إفراد الواحد له حسب العاشق تلويح المعشوق دلالا وأنا حسبي أني ولدتني كل نساء الأرض وأن امرأتي لا تلد. Et voilà, donc ça c'était la chanson de Bachar Zarkan. Flo, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter que souvent ces musiques accompagnent des ateliers d'Erwisch Turner. Et pour petit rappel, on avait fait un atelier à temps de pause il y a 2 ans, temps de pause qu'on vient d'annuler le 31 octobre, où il y a toujours des ateliers la journée. Et il y a 2 ans, on avait fait venir Indira Meloul, qui avait fait un atelier de danse d'Erwisch, qui est une danse qui mène à la transe pour soigner. Voilà. Oui. C'est des chants soufis. Et la petite parenthèse aussi, c'est qu'on avait accueilli à la fête de la musique l'année dernière, ou il y a 2 ans, Nerdistan aussi, qui est un groupe de musique marocain. Et eux, ils reprennent aussi certains textes de Mohamed Tarwish, qui lui est un Syrien aussi d'origine, un grand poète syrien. Voilà, pour la petite parenthèse. Et du coup, on retourne à nos superbes musiques. Alors, donc là, on a écouté Bachar Zarkan. Et là, on va écouter un titre d'un groupe plus moderne, dont la chanteuse est la fille de Bachar Zarkan, qu'on a eu l'immense privilège d'accueillir à la première session de la fête de la musique qu'on avait fait dans la rue à Rochesson. Donc elle était venue avec Baptiste, Climène était venue avec Baptiste sous le duo Miral. Et donc là, depuis quelques années, ils ont trouvé 4 autres camarades, disons. Et donc ils ont créé un voyage au cœur des mots, des mélodies orientales. Il y a des rythmes et des sons d'Occident et pas mal d'influences jazz et rock. Tu voulais dire quelque chose, Flo ? Oh non, j'avais rien à ajouter. Ok, je croyais. Donc je vous laisse écouter, on va écouter Zarab, et le titre de la chanson, c'est « Limb of Purity ». Thank you. Et voilà pour l'extrait de Zarab que vous pourrez retrouver sur Internet. Donc, ils sont en train de préparer le deuxième album, pour info. Ouais, peut-être au monde d'Utopie un jour. Peut-être. On passe à un autre Omar qui, lui, s'appelle Omar Ofendoum, qui est d'origine syrienne et américaine. Et donc, c'est un zapper. Un rappeur, designer, poète et militant pour la paix. Donc, cet homme-là, il donne pas mal de conférences en Amérique et il travaille pas mal pour récolter des fonds pour des ONG pardon. Et il a également travaillé avec d'autres rappeurs à la confection d'un album qui s'appelle Free from Palestine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt engagé et donc j'ai trouvé ce petit artiste là qui traînait sur la toile. Donc je vais vous faire écouter une de ses chansons qui s'appelle Destiny. Hard living in the West when I know the East got the best of me. Could be looking in my eyes, but you never really see the rest of me, nah. Can you hear me, my city? Bilingual's what I'm blessed to be here. Hamam, salam, iftahi ajnihatak, you're clear. وين الوعي وين امشوا معي هين بين الجبلين عين حبل الطرفين امهاتنا حبت ذاتنا مو عجبها المسباتنا هذا الحكي بين اخواتنا زينا العرب والامريكان والله يرحم كل امواتنا اغاني مثل مهاتنا اذا ان العين بالعين مصفى عن عيون الشام بلاد الشام من فلسطين لجبال لبنان قبل ما اخترعوا الحدود من اسكندرون لكردستان فهمان جنكز خان ما خالد دخانونا اولاد العم بس دمنا دمهم بني ادم بنوا ذنبهم على كتافنا شلنا هم وليه الله بيعلم بس ليك الفتيش والبسكيت احسن لك من 100 مليون مسدس تعرف ليه انا مو عجبهم بسمتك بس تبتسم رسمتك شاب عربيا ومثقف تعطيهم ختمتك ولسه لسه مو راضين ذكرهم كلامي ليا نص طين ساعة انه طين وهي هي قضاء وقدر يا حبيبي It's hard living in the west when I know the east got the best of me Could be looking in my eyes but you never really see the rest of me now Can you hear me my city? Bilingual's what I'm blessed to be here I write right to left, you write left to right Metaphor of a foreigner's plight, dressed to tight Stereo and a mic, scenario of a fight The burial of a white, imperial of his heights The Turkish rap is the light, Semitic etiquette and might Just have your role in your auras, poetic and light And grab a hold of your sorrows to relieve your tomorrows Make it easier to borrow the aesthetics you bite Like all the Arabic loan words from Spaniards and Maras The karma of Inquisition, visions of horror So who's the explorer, really? Was it Columbus, Mohammed al-Idrisi, or Ralph Aragnes? Throw a hops and jobs so while you figure it out. I'm gonna start with a cipher, that's just suffer no doubt. So you might not have learned to live with me, but sure as hell can't without. I'm your destiny. It's hard living in the West when I know the East got the best of me. Could be looking in my eyes, but you never really see the rest of me now. Can you hear me, my city? Bilingual's what I'm blessed to be, yeah. حمام السلام افتحي أجنحتك يطير See Arabs shooting at each other from Iraq to Palestine, Syria to Lebanon, Algeria to Sudan. Pedagogy of the oppressed trickling down, conquering through division. And sadly, this isn't the first time. One land, one love, one chance, one blood. No fuss, no fight. Yeah, right, young blood. 8K's cheaper than a book. Crooked leaders in a hook, getting fished out. Missiles getting dished out. Bitched out by the West. Press get a big shout from the people getting rich out of this. Now what's this really all about? Land, money, or power? Was the colonizer's fault, but now it's really just ours. I was leaving a sour taste in our mouths like generational slave names. Whenever speaking out, outspoken leaders getting taken out quicker than belligerent drunks in a bar. That's why we a far cry from living as one. Bon, et bien voilà, un grand merci à Camille qui nous a présenté la musique traditionnelle syrienne. C'est à mon tour de vous présenter un style particulier. Et donc, et ben pour ceux qui ont déjà écouté Les Oreilles du Monde, j'en ai déjà parlé, on a déjà écouté pas mal d'extraits. Moi, je vais vous présenter le maloya. Donc le maloya, c'est un art séduisant mariant musique, chant et danse qui est né sur l'île de la Réunion pour exprimer la douleur et la révolte chez les esclaves d'origine malgache et africaine. Donc c'est pas pour rien que je l'ai choisi pour cette émission-là. En fait, je voulais remettre un peu ça au goût du jour dans le monde, dans l'actualité qu'on vit en ce moment. Il y a un peu comme une oppression et pas mal de problèmes psychologiques dus au confinement et à tout ce qui nous oppresse. Donc voilà, je voulais refaire un petit coup de maloya. Donc le maloya, c'est né chez les esclaves d'origine malgache et africaine dans la plantation sucrière. Son nom d'ailleurs vient du terme maloyao, qui signifie « parler en malgache ». Les principaux instruments du maloya, c'est la voix, le kayambe, le piqueur, le sati, le rouleur et le bobre. Donc, je vais vous présenter plusieurs artistes qui jouent du maloya, en commençant par Daniel Waro, qui pour moi est l'ambassadeur et est toujours fidèle au maloya, musicien, poète. La rage abrupte, la tranchante sagesse de ses textes se marie dans une forme de transe. Je vais vous passer un extrait de son nouvel album qui s'appelle Tintou, qui est sorti en février 2020. C'est un album qui invite à lever le pied, à prendre du recul sur la situation. Il faut qu'on se décide et qu'on se réveille pour de bon. Donc on écoute tout de suite Dédé, un extrait du nouvel album de Daniel Waro. Dédé diamant ou la pas, nous va ou la pas, nous la pas, Dédé photo. Dédé diamant ou la pas, nous va ou la pas, nous la pas, ou la pouffer le mort. Ni ve oui bouille encore, pour nous pidor, pour un pays l'eau, en volcan côté puis ton capot. Ni ve oui bouille encore, pour nous pidor, pour un pays l'eau, chantali pour nous piffer le mort. Dédé l'anso, mon dédé lido, dédé l'anso. Mon dédé lido, dédé lanso. Mon dédé lido, dédé lanso. Mon dédé lido. Dédé tapa quand tapa pie le rhum. M'a dit-il ton copito en génome. Te l'en cobay do pa cobay de odio la com. Ton le de salé en marron mazon. Ton le de salé en marron mazon. Kem zi santi lo le stilo monslam. Magon alivani en l'essence ton lam. Mon cœur bout de feu cassé à d'un four sous qui habite flamme. De bout d'un machine mi foule mi dame. De bout d'un machine mi foule mi dame. Dédé diamant ou la pas, non va ou la pas, non la pas, dédé photo. Dédé diamant ou la pas, non va ou la pas. Non la pas ou la pour faire le monde. Ni ve oui bouille encore pour nous pido, pour un pays l'eau, en volcan côté puis ton capot. Ni ve oui bouille encore pour nous pido, pour un pays l'eau, sans tali pour nous puis faire le monde. Dédé l'anso, mon dédé lido. Manore li manile os di rom. Sa pays patan en baba kadam. Wantou serpentin la de l'offre l'amour la au Guillaume. Kas François papa Basile son yep kwe diplôme. Kas François papa Basile son yep kwe diplôme. Alain, Anérique, Isabelle, Idondine. Pour mettre les Turcs chapiteaux col des Chines. Pour ton la dédé boucan en l'huile dans le moque sardine. Coule dans le refraisé rend dans le vase pantin criquine. Coule dans le refraisé rend dans le vase pantin criquine. Dédé diamant ou la pas, nous va ou la pas, nous la pas, dédé photo. Dédé diamant ou la pas, nous va ou la pas, nous la pas, ou la pour faire le monde. Ni ve oui bouille encore, pour nous pido, pépé il en volcan côté, puis ton capot. ni ve oui bouillant corps pour nous pido, pour un pays long, sans tali pour nous piffer le monde. Dédé, lança, mon dédé, lido, dédé, lança, mon dédé, lido. Mi tia fimie mi sa fan danne caro concom. Grand matin ti ki sa oui di mi tom. Cousin sozi cri a li grand sa poti bonom. Tel sa la fondan poilon mi crom. Tel sa la fondan poilon mi crom. Pour gagner goût son petit gâteau, tu son l'âme sim. Pas besoin ni sa quoi boutique sans lim. Les vies à couvertir avant temps, les liambres, les allumes. Les nattes gouguettes bonheur dans les petits crimes. Linat gouget bonheur dans yeti Dede diamant ou la pas, nous va ou la pas, nous la pas, dede fouto. Dede diamant non la pas, nous va ou la pas, nous la pas, ou la pour faire le mot. Ni ve oui bouillant corps pour nous pido, pour un pays là, en volcan côté puis ton capot. Ni ve oui bouillant corps pour nous pido, pour un pays là, chantal ni pour nous piffer le monde. Dédé lança, mon dédé lido, dédé lança. Dédé Lido, Dédé Lança, mon Dédé Lido, Dédé Lança, mon Dédé Lido. Ton parole met dans la main Iba la grom, posé Roland café gris et tibom. Pour son y'a nous combat avancer sur ce même ban, pour payer des calomes, pour planter pas pour répète physique balbom, pour planter pour pas répète physique balbom. Nous tisons, nous tis prince, tisons funke. T'es connu la ville en foutant depuis d'un bain. N'en fois, point de bonne foi, m'sieur la foi, la mazout foi, sans grain ciel, mon frère. Bernadette à Saint-Laurent en douleur. Bernadette à Saint-Laurent en douleur. Attention, chicha, la blague à Mounir. Du coup, je me sens chaud, là, je me sens vraiment marrant, alors je vais vous faire une petite blague. Alors, quel est le fruit le plus féminin, d'après vous? Vous en pensez quoi? Le fruit, tu la connais, Nanou? Je l'ai déjà entendu. Une... Ouais, parce qu'elle fait aussi, une drôle de tête, Nanou, on ne le voit pas, là, mais... Je m'attends à tout, là. Tu t'attends à tout, tu as raison. Eh ben, le fruit le plus féminin, bah, c'est l'ananas. L'ananas. Ah. Voilà. Olé, olé. Okay. Voilà, bon, voilà. D'accord. Je ne suis pas très en forme en ce moment. Non, mais c'est le contexte, super. C'est le contexte, c'est le contexte. Ok, voilà, on peut reprendre. Donc on revient dans la chronique Maloya. Donc on va enchaîner sur une autre artiste de La Réunion qui s'appelle Anno Haro. Anno Haro, on a déjà passé aussi des extraits dans une ancienne émission des Oreilles du Monde. Elle a une écriture sauvage qui s'imprègne des langues accidentées et des tirs de langage. Une fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires de l'île de La Réunion et les émotions fortes, la violence sexuelle, l'inceste et la passion amoureuse. Son chant jaillit et plonge dans la réalité et n'a pas peur des ombres. On va écouter tout de suite Sobatcore du nouvel album d'Anno Haro qui vient de sortir en octobre 2020 qui s'appelle Longose, à écouter. Moi je suis un peu moins fan, pour me donner un peu mon avis, j'ai énormément aimé son premier album. Son deuxième album est différent, il y a diverses influences du monde, c'est pas uniquement un album qui est concentré sur l'île de La Réunion, il y a des influences du Canada, du blues, enfin il y a plein de choses à écouter, il y a des chansons bien, il y en a d'autres moins bien. À mon goût, je vous laisse découvrir Sobatcore de l'album Longos sorti en octobre 2020. C'est un album moins déchiré, non? C'est ça. C'est que le premier, c'était vraiment quelque chose d'assez, d'assez personnel, et là, il est quand même un peu plus léger, quoi. C'est ça. Soi-disant plus joyeux. Lazare popule, jeje. Lazare lout la moi, de ho, ko chacha l'univers. Ti fais sauter, jeje, léche la ko, pour caca. Pone ce bateau dans la mer. Ti fais sauter, jeje. Kamikaze au sol, papillon d'un fanal, l'amour m'aimant mon vie. da mwe. Et ben voilà, c'était So Bad Core par Anno Waro. On va enchaîner tout de suite sur un groupe qui me. Waouh, c'est toujours quand on parle de La Réunion, ça représente les copains qui y vivent. Et du coup, on a une bande de copains qui vivent là-bas. D'ailleurs, pour petits souvenirs, la nostalgie de l'île de La Réunion qui n'est pas confinée, ou la culture continue, ou c'est la France, puis ça donne envie d'y aller, puis d'y repartir et d'y rester. Un petit souvenir de Saodage quand même. Je me souviens la première fois qu'on est parti à La Réunion avec Camille. On s'est retrouvé dans un mini bar, le Little Italy à Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent La Réunion. Et en fait, il faisait 35 degrés dehors, il était 22h, et il y a eu Saodage qui a joué. On a dansé comme des malades, et tout le monde dégoulinait, parce que dans le bar, il faisait au moins 50 degrés, avec la puissance du groupe et des gens qui dansaient. Et c'était génial. Donc voilà, je vais vous parler de Saodage. Saodage, depuis 2011, ils bâtissent un Maloya nomade composé de polyphonie vocale, de percussions réunionnaises et d'instruments mélodiques. Notamment un nouveau musicien qui est dans Saodage depuis 2 ans, qui s'appelle Nicolas Brave. Vous pouvez retrouver sur Internet plein de vidéos sur YouTube de lui qui s'appelle Strange Instrument ou quelque chose comme ça, Musique de Nulle Part. Et il fait des instruments qu'à base de récup, donc avec des tuyaux, avec plein de trucs de malade, c'est hyper chouette. Je ne sais pas combien il en a inventé, mais oui. Il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, ça se trouve. Qui a aussi un projet solo qui s'appelle Nicolas Bra, il y a plein de vidéos sur YouTube à découvrir. Et maintenant, dans Saodage, il y a aussi une violoncelliste. Leur musique questionne à travers la langue créole et française les beautés et les dérives de ce monde. En 2020, Saodage entre dans une nouvelle aventure avec la création de son premier album, un nouveau live et sa nouvelle équipe. À savoir que la plupart des musiciens ont changé, ils sont plus que 3 de l'ancienne équipe. On a hâte de découvrir ça en 2021 ou peut-être en 2022, bon, on n'en sait rien. Et on écoute tout de suite Mémoire, enregistrée pendant le confinement avec juste Marie et Nathan, les fondateurs et les principaux musiciens du groupe. Hoke mouyamba, nanou rasman tout le sama kwa le. Si bato negriye la navigue, zodi nou la rive. Hoke mouyamba, nanou rasman tout le sama kwa le. Si bato negriye la navigue, zodi nou la rive. La diwo Goinda, koloni franse Goinda. Pondi chéri mon pays Goinda, zodi a la mwen la. La diwo Goinda, koloni franse Goinda, fondi chéri mon pays Goinda, zodi a la mwela. La diwo Zana, sakala ou gèz tondou y tombala, di kote soleil di walive, ma pri mon bon die, te mon maman. La diwo Zana, sakala ou gèz tondou y tombala, di kote soleil di walive, ma pri d'ici la réunion, peuple mélange et nous confiné. Quel est le travail, Covid, normalisé, n'a pas beau balader. D'ici la réunion, peuple mélange et nous confiné. Quel est le travail, Covid, normalisé, n'a pas beau balader. Et ben c'est parti. Alors du coup je vais quand même faire mon coup de cœur. Donc mon petit coup de cœur c'est une chanson. En fait, j'en ai prévu deux, mais je vais en mettre qu'une. Donc, mon coup de cœur de l'année 2019 et de ces derniers mois, c'est quand même un groupe que j'ai vu au Nancy Jazz Pulsation, là, cette année, avec Nanou, d'ailleurs, elle peut l'attester. C'était vraiment super. C'est un chœur populaire du Massif Central, 6 voix, 2 tomes, 12 mains et un tambourin. Une transe d'une rare intensité qui mixe le joyeux et le tragique. Né d'une utopie collective en lien avec le rayonnement de la culture en milieu rural. Ah tiens, ça nous ressemble au monde de l'utopie. Je vous invite à découvrir 2 titres. Bon, ok, je vais peut-être qu'en mettre qu'un. Mais en tout cas, on écoute Faye Sautard, qui est leur nouveau clip et qui va paraître sur l'album qui sortira en janvier cette année. Donc on écoute tous ensemble Faye Sautard. Fai sao da gavia, che de desoro. Fai sao da gavia, fai sao da prejo. La prejo la fortaleza, jure en meur d'enfoua. La prejo la fortaleza, les bariches des roues. Fai sao da gavia, che de desoro. Fai sao da gavia, fai sao da prejo. La fortaleza, hurler en la fortaleza. Lei, l'oubari, j'ai des lei, l'oubari, j'ai des roues. Et voilà, c'était Faye Sautard de San Salvador. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ma petite chronique Maloya et mon petit coup de cœur. Et il y aura pas de deuxième morceau de San Salvador parce que le timing est short. Donc, je passe tout de suite la parole à Mounir qui va nous présenter sa petite chronique. Merci Flo, c'était cool. Camille, c'était cool. Je suis vraiment content d'être là, les copains. Alors aujourd'hui, voilà, moi, je me sens rap, je me sens fusion. Et voilà, je vais vous présenter des petits groupes, mais tout d'abord, je vais faire un préambule. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est le rap et ce qu'est la fusion. Voilà ce qu'est le rap et ce qu'est la fusion. Alors le rap, c'est quoi, les copains ? Le rap, c'est un mouvement culturel prenant ses racines du hip-hop, ayant émergé au début des années 70 dans les ghettos aux États-Unis, influencé par d'autres genres musicaux, genre le reggae, le blues, le jazz et le rock. Le rap acquiert une popularité de plus en plus grande au fil des années 80. Et voilà, ça c'était le rap. Et c'est quoi la fusion ? La fusion, c'est quoi ? La fusion, en fait, c'est un petit peu plus vieux, Camille. À l'origine, la fusion. D'accord, Mounir. Je prends bonne note. En même temps, t'es en face de moi. La fusion, en fait, à l'origine, est retracée à l'époque du rock'n'roll, qui est déjà le fruit du mariage entre le rythme blues et la musique country. À la fin des années 60, Miles Davis et d'autres musiciens créent la fusion jazz avec le rock, auquel mêlent aussi d'autres influences funky. Voilà pour ce préambule musical. Merci Mounir. Ben oui. Ah, tu m'as appris des choses. J'ai fait la petite dictée. Du coup, je vais vous présenter un groupe japonais qui s'appelle Future Blues. C'est une influence de rap, jazz et bossa nova et de samba. Je vous laisse écouter. C'est Future Blues avec le titre Time to Know. C'est parti. C'était ce magnifique groupe japonais Future Blues avec la musique Time to Know. Maintenant, je vais passer un peu du côté suisse avec un groupe qui s'appelle Sergent Parpou. C'est un groupe avec des influences qui peut aller de la bossa à la funk, au rap, au punk, au ska, et vraiment avec des bases quand même de rock. Et notamment là, c'est une musique avec du coup qui peut partir en ska et avec des petites notes de hip hop. Donc c'est Sergent Papou. Manifester. Je suis pas à mon coup de décès, si je t'ai rien blessé. Mais tu sais. sais que je sais que je suis le premier concerné. Je sais que tu sais que t'es le premier à terner. Ils nous ont tenté, mais c'est nous t'avons cédé. Nos parents ont lutté, nos grands-parents ont lutté. Et nous on se fait entuber, on a qui part en fumée. On a les poches pleines à craquer par le cri d'y arnaquer. Des barrières dans le crâne, la peur de te plaquer. Le bourreau est masqué, difficile à traquer. On oublie le passé, par le futur hardé. Le présent est caché, sous la tue des polémiques. Toutes mes fils arrachés, je serai le point d'un colérique. Je mène courroie, sa philosophie de reine, c'est qu'on joue tous. Écoute quoi, coûte que coûte, cours-toi, plains-toi, que je suis pas cours-toi. Ta couronne, garde-la, rien à faire de toi, Scarla. Écarte-toi, écarte-toi, plein de flèches à mon carquois. Je sais pas lire dans les cieux, je sais lire dans les yeux. À travers les traîtres, sourire narquois. Lève la main, si t'as un, si t'as un peu de cœur. S'engager fait toujours un peu peur, le futur marqué de trois petits points. Une plage blanche, je braille quand je mets phalange. La tête contre la vitre du tram, la pluie dessine, il dessine comme des larmes. Certains sont prêts devant tant d'attrait, tenter de faire le truc au cran d'arrêt. Ouais, je suis pas fauf, c'est limite légitime. Alors toi, toi là-bas, viens, toi qui es derrière les enceintes où tu nous écoutes, le casque. Eh, viens, soir, on crame tout, on brûle tout. Hein? Allez, viens, viens. Et ça fait. Ça fait 1, lève le poing, 2, lève le poing, 3. Lève le bien, 4 ce soir on brûle tout, viens avec nous. Et ça fait 1, lève le poing, 2, lève le poing, 3. Lève le bien, 4 ce soir on brûle tout, viens avec nous. Et ça fait 1, lève le poing, 2, lève le poing, 3. Lève le bien, 4 ce soir on brûle tout, viens avec nous. Et ça fait 1, lève le poing, 2, lève le poing, 3. Lève le bien, 4 ce soir on brûle tout. Du coup, c'était Sergent Papou avec Appel au désordre. Maintenant, je vais passer à un petit groupe londonien qui s'appelle Sincere. Et du coup, c'est un petit groupe de fusion metal hip-hop et techno de Londres. Et je vais vous présenter Sincere avec le titre The Key. So strong, my chassis forms a key for me, and what I see is like a satellite in orbit, so rich in colors and in detail that I absorb it. Put my memory to find a door to fit the key without trying. Death-defying blaze, a unique source, mapped out a track, cruising on course. Barley's feelings unknown, colors burn a heat and a sonic tone, each to its own shade as the future is made by burning the past. In the moment we come to call now, it's forever somehow. Switching from lane to lane, to left to right, we ride. Touch the other side, touch the other side, come on. Come on. communicated. I'm initiated by the touch of her lips. A total eclipse for me to focus on. Spiral on, dance and get trouble on. And on and on. C'était le groupe londonien Sensor avec The Key. Maintenant, je vais passer la main à Nanou. Ah, j'espère que vous jumpez bien dans votre voiture ou ailleurs, parce que franchement, aussi. C'est pas demain la veille que vous allez jumper en salle de concert, hein, ou même devant un concert live. Voilà. Hein, faut pas rêver. Quoi. Profitez-en allez, quand vous êtes dans votre salle à Nanou. De bain. On va rester sympa sur les ondes. Et paf. Eh bien, moi, je vous propose de partir en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, pour découvrir ou redécouvrir le flamenco. Donc, c'est une tradition vivante qui remonte à la plus haute antiquité. Au fil des siècles, le flamenco s'est transformé en une forme artistique très structurée qui utilise trois choses, le chant, la danse et le jeu de guitare. Le flamenco a cette faculté de pouvoir exprimer tous les sentiments humains, que ce soit la passion furieuse, l'amour d'une mère, le poids de la mort, la résignation, la joie, la douceur et même l'amour, et j'en passe bien d'autres. Pour exprimer tout cela, il existe de nombreux types de chants que l'on appelle les palos. Camille, j'ai bien prononcé pour l'instant ? Oui, oui. Très bien. Et ces chants sont accompagnés de rythmes que l'on appelle les compas et qui sont propres à chacun des chants. Il y a aussi les claquements de mains qui marquent les temps et qui se nomment les palmas. Pour vous faire découvrir le flamenco, j'ai décidé de passer que de la musique moderne avec deux groupes, Oros de Brujo, Ojo de Brujo et Flamenco Belindance Fusion Music. Je vous laisse découvrir le premier groupe avec le premier extrait, Tanguilos Marineros. C'est parti. Maintenant, un deuxième extrait d'Oro de Bruro qui mêlera un petit peu de scratch, Sultana de Mercello. C'est parti! Sultana de las calles y de los montones. C'était Oro de Bruro, un super groupe de flamenco moderne qui mêle fusion des chants traditionnels avec des genres musicaux comme le scratch, tout en restant dans l'instrumental. Voilà, voilà. Et pour ma dernière découverte de la fusion flamenco, j'ai un super truc pareil qui va vous faire enflammer le parquet. Flamenco Belly Dance Fusion Musique, c'est parti. Thank you. J'espère que ça vous a plu, les amis, avec ces rythmes cubains, orientaux, ces rythmes aussi hindous. C'était pour cette fin d'émission. Ça y est, on arrive au bout. Eh oui, c'est fini, les petites 4 chroniques du jour sur des musiques et influences différentes. Ben, on est content de vous avoir retrouvé pour 1h30 de musique et de partage avec vous. Maintenant, on va se reconfiner et on va profiter de notre petite maison. On est content d'habiter à Rochesson parce qu'à Rochesson, c'est la nature et tout ça, tout ça. Je vous laisse dire ce que vous avez à dire. Eh ben moi, je suis bien contente d'avoir fait cette émission aussi. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire une émission hors des quatre murs de la radio Gemozo. Mais c'est pas mal. Et merci en tout cas à Muriel de nous avoir aidés, de nous avoir supportés pour cette émission de radio. Et de faire la technique avec son super logiciel qui n'a pas l'air d'être très très simple à gérer quand même. Félicitations à elle. Et un petit coucou à la radio Gemozo. Je croyais que tu avais une spéciale dédicace à faire. Pas cette fois, non. Pas à mon cousin, non. Et merci à vous qui nous écoutez, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont déjà écouté Les Oreilles du Monde sur Radio Gemozo. On est vraiment désolé que ça soit pas en direct, mais on fait avec les moyens du bord. En tout cas, courage à vous, restez forts et baissez pas les bras. Vive la culture et vive nous. On s'y remettra 200% dès qu'on pourra. À dans un mois, gros bisous. Bye bye. Ciao, merci. En direct, espérons. Si le roi le décide.